FrenchPod.com. C'est bientôt le festival de Cannes. Je sais, j'y vais chaque année. Comment tu fais? C'est difficile d'avoir des places. Ouais, mais mon père est réalisateur. T'as de beaux yeux, tu sais.